Jérémie chapitre 24. L'Éternel me fit voir une vision, et voici deux paniers de figues, posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnetsar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jechonia, fils de Jéhojakim, roi de Juda, et les principaux de Juda, avec les charpentiers et les serruriers, et les eut emmenés à Babylone. L'un des paniers avait de fort bonnes figues, comme sont d'ordinaire les figues qui sont les premières mûres, et l'autre panier avait de fort mauvaises figues, lesquelles on aurait su manger, tant elles étaient mauvaises. Et l'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ? » Et je répondis, « Des figues, de bonnes figues, fort bonnes, et de mauvaises, fort mauvaises, lesquelles on ne saurait manger, tant elles sont mauvaises. » Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme ces figues sont bonnes, ainsi je me souviendrai, pour leur faire du bien, de ceux qui ont été transportés de Juda, lesquels j'ai envoyés hors de ce lieu au pays des Chaldéens. Et je mettrai mes yeux sur eux pour leur faire du bien, et je les ferai retourner en ce pays, je les y rétablirai, et je ne les ruinerai plus, je les planterai, et je ne les arracherai point. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, pour connaître, dis-je, que je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, car ils se retourneront à moi de tout leur cœur. Et comme ces figues sont si mauvaises qu'on en peut manger, tant elles sont mauvaises, ainsi certainement, a dit l'Éternel, je rendrai tel Sédécia, le roi de Juda, et les principaux de sa cour, et le reste de ceux de Jérusalem, qui sont demeurés dans ce pays, et ceux qui s'habitueront au pays d'Égypte. Et je les livrerai pour être agités, pour leur malheur, par tous les royaumes de la terre, et pour être en opprobre, en proverbe, en raillerie et en malédiction, par tous les lieux où je les aurai chassés. Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la mortalité, jusqu'à ce qu'ils soient consumés de dessus la terre que je leur avais donnée, à eux et à leurs pères.